إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours 34 dans notre série de durus sur Al-Aqidat Al-Wasitiyya avec le sharh du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et aujourd'hui on est arrivé au chapitre Makanatu Ahli Baytin Nabi sallallahu alayhi wa sallam inda Ahli Sunnati wal Jama'ah, c'est-à-dire la place ou le statut de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens de Ahli Sunnati wal Jama'ah. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, il dit à propos de Ahl Sunnah wal Jama'a, وَيُحِبُّونَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حيث قال في غدرهم أذكركم الله في أهل بيتي وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هامش بني هاشم يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Donc le statut des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme le dit Cheikh Ibn Taymiyyah, ils aiment la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils les prennent pour alliés, hein, ils les supportent et ils préservent le pacte, hein, ou le comment on dit quand quelqu'un quand quelqu'un par exemple avant de mourir il laisse un testament, hein, il enjoint aux gens de respecter quelque chose, donc ce serment ou ce testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné aux sahaba avant sa mort, il a enjoint aux gens parmi les musulmans de garder le respect et de bien traiter sa famille et des gens de sa famille. Et il a dit le jour de Ghadir Khum, hein, c'est le jour où les gens se sont rassemblés vers un endroit qui s'appelle Ghadir Khum et c'est un ruisseau qui coule pas loin de Mecca. Ils ont dit je vous rappelle yani de garder le respect envers ma famille. Et on va expliquer ce hadith en détail, qu'est-ce que ça signifie, puis tout ce qui a rapport avec ça. Zakirukumullah, je vous rappelle yani au nom d'Allah de prendre le respect pour ma famille, etc. Après le cheikh il a mentionné un autre hadith, l'histoire de son oncle Ibn Ammuhu Abbas qui s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que les gens de Bani Hashim, les gens de Quraysh avaient peu de respect pour Bani Hashim, ou bien ils ne les traitaient pas comme il se doit, yani, dans les liens de la parenté. Ils étaient un peu, disons, irrespectueux ou bien ils ne donnaient pas à Bani Hashim le droit qui leur revient. À cause de l'islam, à cause que ce sont des musulmans ou à cause de ceux qui sont musulmans parmi eux, et à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois aussi c'est à cause de la jalousie, parce que Bani Hashim c'est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc les autres tribus de Quraysh ou les autres membres des différentes familles qui composent la tribu de Quraysh, eh ben ils n'étaient pas contents de ça, parce que Quraysh c'est une tribu, puis dans Quraysh il y a différentes parties, différentes familles si on veut, puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de Bani Hashim, la tribu de Hashim. Donc après le chef il a mentionné un hadith qui dit que par celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre sa main, ils ne croiront pas. Et ça c'est la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à son oncle Abbas. Il a dit, par Allah, ils ne croiront pas tant qu'ils n'ont pas, tant qu'ils ne vous ont pas aimé pour plaire à Allah, et tant qu'ils ne vous ont pas aimé à cause de la parenté, du lien de parenté que j'ai avec vous. Donc ça c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, et l'autre hadith que j'ai lu plus tôt, de Rabi al-Khum, c'est un hadith très célèbre, et bien, le hadith de Rabi al-Khum, il est rapporté dans Sahih Muslim, et après, il y a un autre hadith que le Cheikh a mentionné, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Bani Ismaïl, c'est-à-dire les fils d'Ismaïl, parmi tous les peuples de la terre. Il a choisi les peuples d'Ismaïl, la tribu d'Ismaïl, c'est-à-dire les Arabes. Et parmi les Arabes, il a choisi Kinana. Et parmi la famille de Kinana, ou bien la tribu de Kinana, il a choisi Quraysh. Et parmi la tribu de Quraysh, il a choisi la famille de Hashim. Et parmi Hashim, il a choisi moi, c'est-à-dire il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est rapporté par Ahmed et Muslim. Donc ça c'est le texte de cette partie du texte de l'Aqidat al-Wasitiyya. Maintenant le Cheikh Saleh al-Fawzan il explique plus en détail tous les différents points qui sont mentionnés dans ce chapitre. Et j'ai ramené aussi le charh de l'Aqidat al-Wasitiyya du Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, rahimahullah. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de ramener des points de ces deux charges pour rajouter des fois des petits détails d'explications qui sont intéressants. Donc, le Cheikh dit, بين الشيخ رحمه الله في هذه أو في هذا مكانة أهل السنة مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة وأنهم يحبون أهل البيت. يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت النبي أو أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من أهل بيته قال كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الأحزاب. Donc le Cheikh il parle maintenant, il dit que Ibn Taymiyyah veut clarifier la position ou le statut de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, pour dire que nous Ahl Sunnah wal Jama'a on aime la famille du prophète ou du messager sallallahu alayhi wa sallam, contrairement à ce que peuvent prétendre les gens de Bid'a parmi les Rafidah, les Shia Rafidah, qui prétendent que on n'aime pas ou qu'on est contre la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est incorrect. Et le Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen il dit, hey, من وصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونهم لأمرين للإيمان وللقرابة من رسول الله للقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكرهونهم أبدا. Donc parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a aiment la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. Ils les aiment pour deux choses. Ils les aiment pour leur foi et ils les aiment parce qu'ils sont proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils ne les détestent pas. Ils ne les détestent pas. Cheikh il dit, ولكن لا يقولون كما قال الرافضة كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمر وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي ابن أبي طالب مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يثني عليهما على المنبر. Donc le cheikh il explique et il dit en réfutant les rafida parmi les chiites, les gens qui insultent les sahaba et qui prétendent vouloir défendre l'honneur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les rafida ils se trompent en disant que celui qui aime Abu Bakr et Omar a détesté Ali. Parce que pour eux, c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent, celui qui aime Abu Bakr et qui aime Omar ibn Khattab, il déteste Ali. Et celui qui aime Ali, il est obligé de détester Abu Bakr et Omar. Comme si ils essaient de faire croire ou de faire comprendre que tu peux pas aimer les deux en même temps. Tu peux pas aimer Ali et Abu Bakr et Omar ensemble en même temps, d'accord? Et ils ont l'impression, ou ils essaient de faire croire que Ali détestait Abu Bakr et Omar, alors que tout ça c'est faux. Abu Bakr et Omar, ils étaient deux parmi les plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali, radiyallahu anhu, il aimait Abu Bakr et Omar, et il disait du bien d'eux constamment. Okay. Et ça a été rapporté par un homme très grand de Sahaba que Ali ibn Abi Talib, il disait du bien d'Abu Bakr et d'Omar alors qu'il était sur le même bar et il disait ça devant tout le monde, il disait du bien d'eux. Donc ça c'est la preuve que ces gens-là ils se trompent. Donc la façon dont les Shi'as sont éduqués, les races dans Shi'as, comment ils sont éduqués depuis qu'ils sont tout petits, c'est on leur fait croire qu'il y a une animosité entre Abu Bakr et Omar et Ali et Ahlul Bayt, Al-Hassan, Al-Hussein et Fatima. Ils essaient de leur faire croire depuis qu'ils sont tout petits, comme on essaie de faire croire aux chrétiens quand ils sont petits que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est incarné, Dieu incarné et toutes sortes de trucs comme ça. Les chrétiens c'est comme ça qu'ils font, pour programmer les enfants à avoir cette croyance en le christianisme et toutes ces idées de, disons, de Dieu devenu un homme sur la terre et tout ça. Eh bien, il te raconte les histoires de Jésus alors qu'il est né. Il te parle du petit Jésus. Quand t'es petit, il te parle du petit Jésus. Il te montre sa naissance, puis comment il est né quand il était bébé et tout ça, comment il a grandi quand il était un petit garçon. Puis il te raconte toute sa vie, on te raconte sa vie comme ça. Pendant des années et des années, donc c'est comme si ça devient un programme dans ta tête, c'est une vérité inébranlable et absolue. Alors quand tu arrives plus vieux, là on commence à te parler de Jésus d'une autre façon. Mais c'est juste pour dire que c'est une sorte de programmation qu'on fait dans les enfants pour les faire croire à ça. Et donc les chiites ils font la même chose avec les enfants des chiites. Et là, en général les gens de Bid'a c'est comme ça qu'ils font. Quand ils n'ont pas de référence et des preuves dans le Coran et de la Sunna, eh bien, ils utilisent cette méthode pour éduquer les enfants sur le batil. Que ce soit des soufis, que ce soit des chiites, que ce soit d'autres parmi les gens de Dalal. Ils se basent sur cette méthode de programmation. Donc, les petits, ils leur disent, bon, Abu Bakr et Omar sont mauvais, sont pas bons, il faut pas les aimer. Ali, il les aimait pas, alors que c'est faux. Abu Bakr et Omar, ils aimaient Ali, et Ali, ils aimaient Abu Bakr et Omar. Ils étaient tous des frères ensemble. Et les Sahaba, ils aiment Ahlul Bayt. Ils sont toujours prêts à aider et à supporter les gens d'Ahlul Bayt. La même chose que Ahlul Bayt aime le reste des Sahaba. Et il n'y a pas, dans le cas des musulmans, et en particulier dans le cas des gens qui suivent Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, qui sont avec Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, il n'y a pas de haine et d'animosité pour personne parmi les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, eux, ils disent, ils essaient de faire croire à leurs fidèles que nous on déteste les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'on ne les aime pas, puis qu'on ne leur donne pas leurs droits, etc. Hein, donc tout ça c'est contraire à la vérité. Un autre exemple, c'est que Ali ibn Abi Talib, j'ai mentionné ça plusieurs fois, il a donné sa propre fille en mariage, Kulthum, la fille qu'il a eue avec Fatima, anha, il a donné en mariage à Omar ibn al-Khattab. Hein, donc ça c'est une preuve. Yani. Et Omar est venu voir Ali, il a dit, laisse-moi épouser ta fille, Kulthum. Et Ali, il a dit, j'aimerais avoir un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il lui a donné en mariage sa fille, sa propre fille, Kulthum. Si Ali détestait Omar, et s'il croyait qu'il était kafir, comme eux prétendent, comment il peut donner sa fille à quelqu'un qui croit être kafir? Hein, ça c'est impossible. Donc, alhamdulillah, ça c'est une preuve, et ça c'est un exemple aussi, du mensonge de ces gens-là. Bon. Ensuite, il dit, فنحن نقول, إننا نشهد الله على محبة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقاربته ونحبهم لمحبة الله ورسوله. Donc, le Cheikh il dit, nous on dit, on prend Allah comme témoin que nous aimons la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous aimons ses proches, et nous les aimons pour notre amour pour notre amour d'Allah et de son messager. Hein? Et le cheikh il dit par la suite, وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَزْوَاجُهُ بِنَقْسِ الْقُرْآنِ. C'est-à-dire, le cheikh il dit que parmi les gens de sa famille, on doit inclure également ses femmes. Parce que les chiites, Rafida, ils prétendent que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne font pas partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, parce qu'eux, ils détestent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier Aïcha, radiallahu anha. Donc, ça c'est, le cheikh il dit qu'elles font partie de Ahlul Bayt, la preuve est écrite même dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Donc ça c'est le verset 33 dans sourate Al-Ahzab. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala il veut purifier ces femmes-là, et en les appelant Ahl al-Bayt. Donc, c'est-à-dire qu'elles font partie de Ahl al-Bayt, il n'y a pas de doute. Ahl al-Bayt, هنا يدخل فيها أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ريب. وكذلك يدخل فيه قرابته. Les proches également, les proches du prophète صلى الله عليه وسلم, كفاطمة وعلي والحسن والحسين, وغيرهم كالعباس ابن عبد المطلب وأبناؤه. Donc, de même que parmi les gens qui font partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ses proches comme Fatima, qui est sa fille, et Ali, le fils de son oncle, et c'est le mari de sa fille également, et Al-Hassan Al-Hussein, c'est deux de leurs enfants, ok, et d'autres également comme Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ses fils comme Ibn Abbas et Al-Fadl ibn Abbas également, puis d'autres parmi les fils d'Al-Abbas. Le Cheikh il dit également, فَنَحْنُ نُحِبُّهُمْ لِقَرَبَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِإِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ. Donc nous, le Cheikh il dit, nous on doit les aimer parce qu'ils sont proches du prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont des liens de parenté avec le prophète صلى الله عليه وسلم, et également pour leur foi qu'ils ont en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit ensuite, فَإِنْ كَفَرُوا فَإِنَّنَا لَا نُحِبُّهُمْ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَقَارِبِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَأَبُو لَهَبْ عَمُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجُوزُ أَن نُحِبَّهُ بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ بَلْ يَجِبُ أَن نَكْرَهَهُ لِكُفْرِهِ وَلِإِذَاهِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو طالب يجب علينا أن نكرهه لكفره ولكن نحب أفعاله نحب أفعاله التي أفداها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الحماية والذب عنه. Donc le cheikh dit, mais toutefois, si un des membres de sa famille a mécru, a rejeté la foi, on ne les aime pas. On ne les aime pas, même s'ils sont parmi les plus proches parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, Abu Lahab. Abu Lahab, c'était un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est pas permis pour nous de l'aimer d'aucune façon. Également, il est obligatoire pour nous de le détester pour sa mécréance et pour les nuisances et les difficultés qu'il a données au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même que Abu Talib, on n'a pas le droit de l'aimer parce que il a mécru, il n'a pas accepté la foi en l'islam. Et il faut le détester pour sa mécréance. Toutefois, on aime les actions qu'il a faites. C'est-à-dire, lorsqu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'a protégé contre Quraysh, etc. Ça, c'est des choses qu'on aime, le fait qu'il a fait ça. Mais lui-même, en tant que personne, on le déteste pour sa mécréance. Mais ses actions, même si ses actions étaient bonnes. Le chef, il dit ensuite, وَيَتَوَلَّوْنَهُ أَيَّجْعَلُونَهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ C'est-à-dire, ils les prennent pour alliés. Donc, ça c'est la partie du Sharh de Ibn Uthaymeen que je voulais traduire avec vous pour vous faire partager certains des bons points qu'il y avait dans son explication. Donc, les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme son père et sa mère, il a été rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de sa mère qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la permission de visiter sa tombe et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission de faire ça. Toutefois, il a demandé la permission pour demander pardon pour elle et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas permis. Donc, elle est morte dans le shirk et donc elle n'est pas parmi les mu'minat. En ce qui concerne le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim également, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé au messager d'Allah où est mon père, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ton père est dans l'enfer, et donc l'homme est parti et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé et lui a dit reviens, il est revenu, il a dit ton père et mon père sont dans l'enfer. Donc il y a également une preuve ici pour dire que même le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'enfer. Également, en ce qui concerne l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, la même chose également. On peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant que son oncle meure, « Dis la ilaha illallah, et puis si tu dis ça, je vais parler en ta faveur au jugement dernier à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander qu'il te pardonne, etc. » Et il a refusé de dire « La ilaha illallah » parce que il a dit, je veux pas que les gens disent que j'ai abandonné la religion de mes pères, etc. Donc il est mort dans le shirk. Ensuite, donc il y a des gens parmi les gens de Bid'ah qui nient ça, ces hadiths-là, et qui prétendent que les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous au paradis à cause du fait qu'ils sont des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que justement, eux, c'est des gens qui croient en l'idée que d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien le fait de demander l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça peut te venir en aide même si tu le demandes au prophète après sa mort, hein, comme on a appris que ça c'est shirk billah. Donc ces gens-là, ils pourraient pas défendre cette idée-là si ils ne défendent pas l'idée que les proches ou la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous au paradis également. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a rassemblé les gens de Quraysh, il a dit, écoutez, dites la ilaha illallah, parce que au jugement dernier je ne peux rien faire pour vous. Il a dit à ses oncles, Abu Lahab, Abu Jahl, et tous les autres, il leur a dit, sauvez-vous-même parce que je ne peux rien faire pour vous au jugement dernier. Même sa propre fille, Fatima, elle a dit, ô Fatima, sache que moi je ne peux rien faire pour toi au jugement dernier. Hein? Donc c'est pour dire que yani, le prophète sallam, il ne peut rien faire pour nous au jugement dernier si nous-mêmes on n'a pas été... La mère de Fatima c'était Khadija. Non. Donc c'est ça. Et puis, donc là qu'est-ce qui se passe, c'est que par la suite, bon, il y a même une histoire chez les gens de Bid'a, yani, qu'ils mentionnent dans leur livre, yani, à quel point ils arrivent à nier les textes du Coran et de la Sunna, ou bien de déformer leur sens. Ils disent que Hazar, qui est mentionné dans le Coran comme étant le père d'Ibrahim, ils disent non, c'est pas le père d'Ibrahim, c'était son oncle. Il l'appelait père parce que, par respect, etc. Et donc il refuse de dire que Allahu A'lam, Hazar. Allahu A'lam sur quoi il se base. Mais au premier apparence là, qu'est-ce qui est le plus évident, c'est qu'il se base sur leur passion. Hein? Parce que comment tu peux nier quelque chose qui est clair comme ça dans le Coran? Ils disent que c'est que c'était pas son père, que c'était son oncle ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est des exemples comme ça. Donc, nous, qu'est-ce qui est rapporté dans les textes? C'est ça ce qu'on croit. Hein? Puis, on ne défend pas les sens. Donc, alhamdulillah. Ensuite, pour continuer l'explication au sujet de cette question, le chef il dit que Ahlul Bayt, ce sont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est les parents du chef Al-Fawzan, on n'a pas le droit de leur donner une sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux gens de sa famille de recevoir de la sadaqa. Allahu a'lam. Je ne sais pas, je me souviens pas vraiment pour quelle raison ils n'ont pas le droit de recevoir cette sadaqa. Toutefois, c'est une des choses qui les distingue. Ils n'ont pas le droit. Pour eux, c'est interdit de prendre quoi que ce soit de la sadaqa. Peut-être pour éviter que des gens, justement, parmi les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, abusent de ça, yani. Allahu a'lam. Là, aujourd'hui, oui, dans les pays musulmans, là, ceux qui se prétendent comme étant des familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la descendance du prophète, ils vivent souvent de la mendiance, puis du fait qu'ils demandent aux gens yani, de leur donner parce qu'ils sont soi-disant des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui sont descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam encore aujourd'hui. Mais pour savoir ça, il faut voir l'épreuve de la généalogie, puis les trucs comme ça. Parce que tout le monde pourrait prétendre, hein, dire, ben oui, il y en a beaucoup qui prétendent, moi je suis descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est même pas vrai, hein. Donc, il faut voir, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh, il dit donc, qu'ils n'ont pas le droit de la sadaqa, et ce sont la famille de Ali et la famille de Ja'far, la famille de Aqil et la famille de Abbas et la famille de Abu al-Harith ibn Abd al-Muttalib et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses filles, parmi les gens, ils font tous partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala ta'ala innama yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt, comme on a dit tout à l'heure, le verset 33 dans sourate al-Ahzab, qui prouve que ce sont des membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, les chiites, ils ont plein de choubouhat à ce sujet-là, puis ils ont des hadiths qu'ils ont fabriqués yani, pour défendre leur mensonge, mais alhamdoulilah, yani, il y a des ulama qui ont réfuté leurs prétentions dans des livres qui sont écrits exprès pour réfuter les chiites, et c'est très intéressant de les lire pour comprendre et pour connaître le mensonge des Rafida à ce sujet-là. Le cheikh dit, « Fa ahlu sunnah يحبونهم ويحترمونهم ويكرمونهم لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، لأن الله ورسوله قد أمر بذلك. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Donc le cheikh il dit qu'on doit les aimer, Ahlus Sunnati wal Jama'a, nous on les aime et on les respecte et on les honore. Parce que ça fait partie de respect, du respect qu'on a envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'honneur qu'on lui doit. Et ainsi que donc, c'est pour dire que lorsqu'on respecte la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on, en même temps on respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Parce que Allah et son messager ont ordonné de les honorer. Comme le cheikh il mentionne le verset 23 dans Surat Shura, ça dit, قال تعالى قل لا أسألكم, dit je ne vous demande aucune récompense, aucune rétribution, excepté de garder les bonnes relations de la parenté, du fait qu'on est des parents et il y a les liens d'affection des parents, les liens familiaux. Après le cheikh il dit: جاءت نصوص من السنة بذلك، منها ما ذكره الشيخ. يا beaucoup de hadiths qui sont mentionnés dans la sunna à ce sujet-là. Parmi les preuves, ce que le cheikh a mentionné, Ibn Taymiyyah dans le texte de Al-Wasitiyya. وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة. Ça c'est uniquement, comme on a dit tantôt par les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen, si premièrement ils sont musulmans, et non seulement s'ils sont musulmans, mais s'ils sont sur la sunna, d'accord, et qu'ils sont sur le droit chemin, dans la religion de l'islam, ok, parce que peut-être parmi eux il y en a qui sont sur une bid'a ou quelque chose comme ça, il y a aujourd'hui des gens qui se disent être descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant ils sont sur toutes sortes de formes de bid'a, et de dégarement. Donc ces gens-là, ils ont pas de, ils rentrent pas dans cette, dans ces règles-là qu'on a mentionnées à leur sujet, parce qu'ils sont pas sur l'islam ou ils sont pas sur le droit chemin. Après le cheikh il dit: kama kana alayhi salafuhum kal Abbas wa Bani wa Ali wa Bani, amma man khalafa as-sunnah wa lam yastaqim ala ad-din fa innahu la tajuzu mahabbatuhu ولو كان من أهل البيت. Ceux qui ont contredit la sunna et qui ne sont pas sur le droit chemin, sur la religion, il n'est pas permis de les aimer, même s'ils sont parmi la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, أهل البيت. Ok. Après le cheikh il dit: وقوله ويتولونهم أي يحبونهم من الولاية بفتح الواو. من الولاية. من الولاية. Donc, on doit les aimer. الولاية c'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire al-mahabba, ça veut dire l'amour, l'affection, l'amour. Donc on doit les aimer. وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَعْمَلُونَ بِمَا بِهَا وَيَطْبِقُونَهَا. Donc on garde, comme on a dit tout à l'heure, ce que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a enjoint de respecter envers sa famille avant sa mort, et on l'applique. Et ça c'est le cheikh dit: حيث قال في يوم غدير خم. والغدير هنا هو مجمع السيل. الغدير c'est quoi? C'est quand par exemple il y a de la pluie qui tombe, et ben il y a à la fin de cette pluie les eaux se réunissent et ils coulent dans un certain endroit, on appelle ça un ruisseau, tu vois, et c'est ça qu'on appelle en arabe غدير. Et yani, c'est un endroit, le chef il dit, والغدير في طريق المدينة, c'est sur le chemin de la vers Médine, en partant de la Mecque. Et le chef il dit: وخم قيل اسم رجل نصب إلى الغدير, نصب الغدير إليه. Supposément que خم c'est le nom d'une personne qui s'appelait خم. Et on a appelé ce ruisseau, ou cet endroit-là où l'eau coule, on l'a appelé le ruisseau de Khum à cause de cet homme-là. Il y en a d'autres qui disent également, hein, وَقِيلَ هُوَ الْغَيْضَ, أي الشجرة نصب هذا الغدير إليها لأنه واقع فيها. Donc il y en a d'autres qui ont dit que c'est al-khum, c'est un arbre. Puis on l'a appelé le ruisseau par ce nom-là parce qu'il est près de cet arbre. L'arbre est là-bas. Le cheikh dit wa hadha al-ghadir kana fi tariq al-Madina marra bihi sallallahu alayhi wa sallam fi 'udatihi min hajjat al-wada' wa khataba fihi fa kana min khutbatihi ma dhakarahu al-shaykh udhakkirukum Allah fi ahli bayti ay udhakkirukum ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم. الشيخ الذكر الشيخ que le prophète صلى الله عليه وسلم en revenant de la Mecque, quand il s'en allait vers Al-Madina, il est passé dans cet endroit-là qu'on appelle Ghadir Khum, alaykum salam, et il s'est réuni, il a réuni les sahaba, puis il s'est adressé à eux, il a fait une khutbah, il leur a parlé. Et parmi les choses qu'il leur a dit dans ce jour-là, il les a enjoints de respecter et d'honorer et de garder les droits envers sa famille. Envers sa famille. Et en passant pour le hadith de Ghadir Khum, il n'y a pas d'autre mention que le fait qu'on doit avoir du respect, puis aimer les membres de sa famille et les respecter. Toutefois, les Shi'as, ils ont inventé des mensonges au sujet de ce hadith, ils ont rajouté des parties et des versions qui sont complètement fausses. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, les Shi'as, le jour de Ghadir Khum? Ils prétendent que le jour de Ghadir Khum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé tous les sahaba à cet endroit-là, et puis qu'il leur a dit à tous qu'après sa mort, son successeur devra être Ali ibn Abi Talib. C'est ça ce qu'il leur a dit, selon leur version du hadith de Ghadir Khum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'est-ce qu'il leur a dit ensuite? Il leur a dit donc qu'ils doivent choisir Ali. Et là, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'ils n'ont pas respecté cette entente ou cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit tous les sahabas sont devenus kuffars après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté 3 ou 4 qui ont cru en cette, qui ont respecté cette parole, mais le reste, supposément, ils sont tous des kuffars. Donc c'est-à-dire si c'était 100 000 sahabis ou 10 000 ou 100 000 sahabis à cette époque qui étaient rassemblés, le dernier hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la conquête de Mecca, eh bien, selon les Shia, ils sont tous kuffars, en commençant par Abu Bakr, Omar et Osman. Donc ça, c'est ça leur religion. Leur religion s'est basée là-dessus, sur les mensonges. Donc, j'aurais aimé vous mentionner certains points, mais bon, peut-être le prochain cours, j'aurai encore l'occasion, Inch'Allah. الشيخ الذي وقال أيضا للعباس عمه وهو العباس بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وقد اشتكى إليه أي أخبره بما يكره أن بعض قريش يجفو الجفاء يجفو والجفاء ترك البر والصلة فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أي الإيمان الكامل الواجب حتى يحبكم لله ولقرابتي أي لأمرين الأول التقرب إلى الله بذلك لأنهم من أوليائه والثاني لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك إرضاء له وإكرام له الشيخ الذي دونك دعنا فعل du prophète Rasul qui a été mentionné, alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, pour dire que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné un hadith en disant que l'oncle du prophète Rasul qui s'appelle Abbas est venu voir le prophète Rasul et son nom c'est Al-Abbas, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf. Okay? Et il s'est plaint au prophète Rasul en lui disant ce qu'il n'a pas aimé de certaines attitudes ou de certains comportements des gens de Quraysh. Il lui a dit que certains d'entre les gens de Quraysh, il ne respecte pas les liens de parenté et la bonté qui est commandée entre les gens d'une même famille. Donc le cheikh il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un serment, ou c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah subhanahu wa ta'ala en disant ça, il dit, ils n'ont pas cru réellement, ils n'ont pas cru d'une croix, ils n'ont pas cru d'une foi complète et parfaite, obligatoire, tel que c'est demandé par Allah, tant qu'ils ne vous ont pas aimé en Allah, pour Allah, et à cause du lien de parenté que vous avez avec moi. Donc, on doit les aimer pour deux choses. Pour le lien de parenté qu'ils ont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à cause qu'ils sont des gens qui sont des awliya d'Allah, dans le sens qu'ils sont des hommes pieux, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, et des gens qui sont sur la religion de l'islam et qui suivent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les deux raisons pour qu'on on doit les aimer. Et lorsque on les aime pour ces raisons-là, mais on a honoré et on a satisfait et on a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, الشيخ ابن وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته هم قرابته الشيخ المنسيان للحديث بإن الله اصطفى أي اختار. Donc ensuite il dit comme pour clarifier le bien ou le mérite de Bani Hashim. Bani Hashim, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le bien qu'ils ont et le mérite qu'ils ont. Il mentionne le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a choisi parmi les hommes, ikhtara, istafa, ça veut dire choisir. Donc quand on dit par exemple al-Mustafa, le nom Mustafa, ça veut dire celui qui a été choisi. Donc, Al-Mustafa, ça veut dire celui qui est choisi. Et ça vient de As-Safwa, en arabe, As-Safwa. Donc, quand on dit Istafa, ça veut dire qu'il a choisi, Allah a choisi Istafa. Et Al-Mustafa, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été choisi par Allah, et ça vient de Safwa. Et As-Safwa, c'est quoi? C'est le meilleur. Quand on dit Safwa tu Shaykh, ça veut dire le meilleur parmi, dans cette chose-là, c'est As-Safwa. Comme par exemple, si je vous dis As-Safwa, c'est comme si je dis par exemple la crème de la crème. Ça, c'est dans ce sens-là. Donc, As-Safwa, c'est ça. Donc, Allah Istafa, c'est-à-dire, il a choisi parmi les hommes Bani Ismaïl, Ibn Ibrahim. Donc, Ismaïl, c'est le fils d'Abraham. Et Ismaïl, le fils d'Abraham, il s'est marié avec une femme d'une tribu parmi les Arabes. C'est pour ça que ses descendants sont parmi les Arabes. D'accord? Et après il dit, « Wastafa min bani Ismaïl kinana. » Ok? Parmi les Arabes, parmi les descendants d'Ismaïl, il a choisi kinana. Et c'est le nom d'une tribu. Ismu qabila. Abouhum Kinana ibn Khuzayma. Donc, c'est le nom d'une tribu qui s'appelle Kinana, et le nom de leur père c'est qui? C'est Kinana, fils de Khuzayma. Et il a choisi de Kinana la tribu de Quraysh. Wahum Auladu Mudar ibn Kinana. Donc, ça c'est. Après, Allah a choisi de Kinana la tribu de Quraysh. Et la tribu de Quraysh, ce sont les fils de Mudar ibn Kinana. Les fils de Mudar, fils de Kinana. Ensuite, il a choisi de Quraysh, Bani Hashim. Et ce sont, le chef dit, Wahum Banu Hashim ibn Abdumanaf. Ce sont les fils de Hashim, fils de Abdumanaf. Wastafanu min Bani Hashim. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi moi parmi les fils de Hashim. Donc le cheikh dit فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Donc ça c'est la généalogie complète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc jusqu'à son, je sais pas quel, lequel numéro de son, quel, quel grand-père, mais c'est, il y en a au moins une bonne dizaine. Ensuite il dit, « وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ الْعَرَبِ وَأَنَّ قُرَيْشًا أَفْضَلُ الْعَرَبِ وأن بني هاشم أفضل قريش وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل شيخ الذكر qu'est-ce qu'on veut prouver dans ce hadith? On veut montrer que on veut montrer le mérite des Arabes, ensuite que Quraysh est le meilleur parmi les Arabes, et ensuite que Bani Hashim c'est le meilleur parmi les tribus, la tribu de Quraysh, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur parmi les gens de Bani Hashim, et donc il est donc la meilleure des créatures en tant que personne et le meilleur d'entre eux avec sur le plan de sa descendance et de sa généalogie. Et il y a également le mérite de la famille de Hashim, qui sont la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça y est pour cette section. Et ok, d'accord. Donc là on arrive à un autre point, un autre titre dans le livre de Al-Wasitiyya, c'est le prochain point. Il dit le cheikh, مكانه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنه والجماعه, le statut ou la place des femmes du prophète صلى الله عليه وسلم selon les gens d'ahl sunnah wal jamaa. Cheikh il dit, ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة, خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضبه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية, والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم, فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام, رواه البخاري ومسلم وغيرهما. donc le cheikh il explique ici et il dit que les gens de Ahl Sunna wal Jama'a, ils aiment les femmes, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elles sont les mères des croyants. Et on croit qu'elles sont les épouses du prophète, ou qu'elles seront les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'au-delà. En particulier, parmi elles, Khadija, radiyallahu anha, qui a été la mère de la plupart de ses enfants, et qui a été la première personne à croire en lui et à le supporter dans sa mission. Et il avait pour elle, ou bien elle avait pour lui un niveau très élevé, c'est-à-dire elle était dans une position très élevée pour lui, dans l'importance qu'elle avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également Siddiqa. C'est la fille de Siddiq, c'est-à-dire la fille de Abu Bakr al-Siddiq, c'est-à-dire Aïcha, radiallahu anha, qui était sa préférée parmi toutes ses femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de Aïcha, radiyallahu anha, que le mérite de Aïcha par rapport à toutes les femmes, c'est comme le mérite du Sarid sur tous les autres sortes de nourriture. Donc, Al-Sarid, on va voir qu'est-ce que c'est tout à l'heure, Inch'Allah, dans l'explication. Donc, le Cheikh dit, ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الفوزان الذي ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يحبونهن ويوقرونهن لأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير وتحريم نكاههن على الأمة أما بقية الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة بهن والنظر إليهن قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبدا الآية سأليغ الآية كم الفوق وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله استلم على بيتود الزيغ صلى الله عليه وسلم شكرا جلدي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم لا في المحرمية donc le Cheikh il explique ici il dit que en général non il dit que dans cette phrase le Sunna wal Jama'a le Cheikh il explique Cheikh al-Islam il explique que on doit aimer les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on doit les respecter, hein, et on doit comprendre et croire que c'est interdit pour la Umma de les épouser après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Donc, en dehors de ça, elles ont le reste, comme si même si on les appelle les mères des croyants, eh bien, ça ne veut pas dire que les autres règles qui s'appliquent aux autres femmes ne s'adressent pas envers elles. Parce que notre mère, on peut la voir par exemple sans hijab, et on a besoin de rester seule dans une pièce en présence de notre mère, parce que c'est notre mère. Toutefois, les mères des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si elles sont les mères des croyants, ça ces règles-là, c'est particulier, dans le sens que elles doivent quand même se couvrir. On n'a pas quand même le droit de les voir sans qu'elles se couvrent, et on n'a pas le droit non plus de rester dans une pièce seule avec une des mères des croyants. Bon, ça risque pas d'arriver aujourd'hui parce que bien entendu elles ne sont pas présentes, mais si ceux qui vivaient à l'époque, eux, c'est des règles qu'ils devaient respecter. Après le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 6 dans Sourate Al-Ahzab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ça c'est le verset 6 dans Sourate Al-Ahzab. Ensuite, il y a le verset 53 dans Sourate Al-Ahzab. Une partie de ce verset-là, ça dit, et il ne vous appartient pas de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni d'épouser ses épouses, ou d'épouser ses femmes après lui, jamais. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de le faire jamais. Et ça, c'est quelque chose de très grand auprès d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un faisait une chose pareille. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. parce que c'est pas permis pour une des mères des croyantes d'épouser quelqu'un après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha, elle est décédée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée à l'âge de 9 ans. Elle n'avait pas le droit de se remarier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucune des mères des croyants. Allahu a'lam, si je ne me trompe pas, vers l'âge de 60 ans. Amen. Donc, c'est normal, puisque c'est la mère des croyants, c'est pas comme les autres femmes. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à propos des mères des croyants, il dit, لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ. Vous n'êtes comme aucune autre d'entre les femmes. Tu parles pas de ta mère comme ça quand même. Non mais c'est ta mère. Ouais, ben, il faut pas dire ça. Taqillah. Oui, c'est ça. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. Si vous leur demandez quelque chose, demandez-leur par derrière un voile ou un rideau. Donc ça c'est pour montrer que malgré que bon elles sont nos mères, mais on peut pas leur demander directement quelque chose. Il faut leur demander par derrière un rideau. Non, mais c'est pas grave. Peut-être que ce que tu voulais dire, d'autres personnes ont compris autre chose. Puis peut-être, pour éviter tout malentendu, le mieux c'est de pas aller plus dans les détails. C'est des choses de ce genre. Donc ensuite, le cheikh dit « Fahunna ummahatul al-mu'minin fil ihtiram wa tahrim la fil mahramiyya ». C'est-à-dire, ce sont les mères des croyantes dans le respect et dans l'interdiction, mais pas dans le fait que, par exemple, on n'est pas un mahram pour elle. Dans ce sens-là, on n'est pas mahram pour elle, mais dans le respect, puis dans le fait que, bon, elles sont interdites pour nous de les épouser, ça oui, mais pas dans le fait qu'on est des mahrams pour elles. C'est-à-dire, elles doivent se voiler devant nous, puis on n'a pas le droit de rester seul avec elle, etc. Le cheikh dit, وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية. Ça c'est les 9 épouses du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est les 9 femmes qu'il avait lors de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. C'était Aïcha, Hafsa, Zainab, Salama, Safiya, Maymouna, Habiba, Sauda et Jawairiya. Ça, c'est les 9 épouses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait au moment de sa mort. Amma Khadija, faqad tazawwajaha qabla an-nubuwwa. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait épousé Khadija avant de recevoir la prophétie. وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris une épouse avec elle, en même temps qu'elle, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, elle a été sa seule épouse jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort de Khadija. وَتَزَوَّجْ زَيْنَبْ بِنْتُ خُزَيْمَةَ الْهِلَالِيَّةِ ولم تلبس إلا يسيرا ثم توفيت. Ensuite, il a épousé Zainab, fille de Khuzaima al-Hilaliya. Mais elle est décédée peu de temps après. D'accord? Et il y a un point aussi que je voulais mentionner ici à propos de Khadija. Okay? Il y a des gens aujourd'hui qui mentionnent des choses, par exemple, au sujet de la femme. Hein, comme par exemple, il y en a qui essaient de dire, comme quand on a voulu montrer ou prouver l'interdiction de la mixité dans l'islam entre les hommes et les femmes, etc. Il y en a qui sont arrivés avec des histoires, par exemple. Hein, il y en a un qui est même pas musulman et qui se prétend comme un spécialiste de l'islam. Puis qui, islamologue. Et là, il disait, ce que je disais à propos de la mixité, c'est complètement contraire à l'islam, parce que Khadija, elle était une femme d'affaires, il faisait du commerce, etc., etc. Hein? Donc, ça c'était sa preuve pour dire que, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que j'ai écrit, des paroles des ulama, des versets du Coran et des hadiths au sujet de la mixité, que c'était pas vrai. À cause du fait que, Khadija, elle était soi-disant une femme d'affaires ou qu'elle faisait du commerce à son époque. Et ça, c'est facile à réfuter de plusieurs points de vue en même temps. Premièrement, Khadija, hein, elle était au début de l'islam, à Mecca. Et à Mecca, on sait tous que il n'y avait pas encore de règles qui étaient révélées, à part le tawhid, la ilaha illallah. Mais les règles de la prière, les règles du jeûne, les règles du hajj, les règles de la zakat, tout ça, c'est pas encore révélé à l'époque de Khadija. Le hijab, ce n'était pas encore obligatoire. Les interdictions n'étaient pas encore arrivées. Donc, les mu'minis, à cette époque-là, hein, il y avait encore beaucoup de péchés, peut-être qu'ils continuaient à faire, et beaucoup de choses qui étaient obligatoires, qui n'étaient pas encore obligatoires pour eux. Hein. Entre autres, le hijab, par exemple. Ok, et non seulement ça, c'est que Khadija, radiallahu anha, même si elle faisait du commerce, et même si elle avait du commerce, qu'elle faisait du commerce, elle ne faisait pas d'elle-même, c'est-à-dire elle ne descendait pas elle-même parler avec les hommes, faire la vente et les achats d'elle-même. En fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'occupait de ça, qui partait avec les marchandises et les choses, et qui allait rencontrer les gens qui s'occupaient de ce commerce-là pour elle, et d'autres parmi les hommes. Et non pas elle directement qui s'en allait rencontrer les hommes pour faire ses affaires de commerce. Donc déjà là, on voit clairement que ces gens-là, Yanni, ils prennent des exemples hors de leur contexte pour essayer de déformer la réalité de l'islam. D'accord ? Ça c'est un deuxième point. Puis, en tout cas, il y a d'autres points encore, mais c'est juste que pour dire qu'en réalité, bon, déjà ces deux points-là tout seuls, ça suffit pour réfuter les idées que ces gens-là essaient de prétendre à propos de Khadija. Hein? Ils se basent sur des exemples du début de l'islam pour essayer de déterminer qu'est-ce qui est permis dans la religion musulmane. Alors que par la suite, à Al-Madina, il y a plein d'autres explications des règles que Allah a fait révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer aux gens ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et parmi ces choses-là, par exemple, hijab et l'interdiction des hommes et des femmes de se mélanger entre eux sans limite, et d'un homme rester seul avec une femme, etc., des choses comme ça. D'accord, donc il ne faut pas mélanger les choses. Puis même si une femme fait du commerce aujourd'hui, elle peut faire du commerce, elle a le droit, hein, travailler, faire du commerce, tout ça c'est permis, mais dans les limites de la charia, hein, avec le hijab complet et avec sans être mélangé avec les hommes, et sans que ça soit un obstacle pour elle dans l'application de ses obligations envers son mari, envers ses enfants, envers sa famille. Hein? Donc ça c'est des choses, tout le monde sait ces choses-là, c'est des principes clés dans l'islam. C'était juste pour expliquer ça, en passant. Donc, aussi il y en a qui disent, bon, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait épousé seulement Aïcha, et il n'avait pas plus qu'une femme à l'époque de Khadija. Il n'avait pas plus qu'une femme lorsqu'il était avec Khadija. Donc, ils essaient de montrer ça pour prouver que, bon, ça prouve que il faut là-bas, c'est qu'il faut juste avoir une seule femme. Et que, yani, si tu veux vraiment suivre l'islam vrai, correct, il faut juste avoir une seule femme. Et ça, encore une fois, c'était au début de l'islam. Hein. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu jusqu'à 9 hein, épouses. En une seule époque, et plusieurs sahabi avaient plusieurs femmes, deux ou trois ou quatre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la permission d'avoir plus que quatre. Ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est pas une preuve, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juste une seule femme à l'époque de Khadija, c'est pas une preuve pour limiter ou pour interdire ou pour limiter la polygamie dans l'islam. Bon, maintenant on continue. Le cheikh il dit وهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشر رضي الله عنهن. Donc ça c'est les femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un mariage avec elles. Elles sont en tout 11. D'accord. Et le cheikh il dit يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأنهن أزواجه في الآخرة وفي هذا شرف لهن وفضيلة جليلة خصوصا خديجة رضي الله عنها فلها من المزايا والفضائل الشيء الكثير وقد ذكر الشيخ منها. Donc le cheikh il dit ici que elles seront, les Ahlus Sunnah al Jama'a, et il croit que ces femmes-là seront ses épouses dans l'au-delà également. Et ça c'est pour elles une honneur et un mérite énorme, hein, en particulier Khadija, parce qu'elle a des particularités et des mérites spécifiques pour elle qui sont très grands. Et le cheikh il en a mentionné quelques-uns. Parmi ses mérites, c'est qu'elle a été la mère de la plupart de ses enfants. Hein? فكل أولاده منها ما عدا إبراهيم فمن ماريا القبطية. Donc il a eu la plupart de ses enfants de cette femme-là, de Khadija, sa première femme. Et le cheikh il dit la plupart de ses enfants, pourquoi? Parce que il a eu un autre fils d'une autre femme. Il a eu un fils d'une autre femme que Khadija, c'est Maria Al-Qibtiya. Il a eu avec elle son fils Ibrahim, qui est mort. En fait, tous les fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous morts avant de grandir, oui, avant d'atteindre l'âge adulte, avant de devenir plus vieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des fils et des filles. Il a eu deux fils et quatre filles. Parmi les fils, il a eu Al-Qasim et Abdullah. Et il a eu, parmi ses filles, Zainab, Umm Kulsoum, Fatima et Ruqayya. Ok, donc ça c'est les fils et les filles qu'il a eu. D'accord. Donc, ça c'est ses enfants. Et parmi donc, ça c'est le premier bien, le premier mérite de Khadija, qu'elle est la mère de la plupart de ses enfants. Deuxièmement, أنها أول من آمن به مطلقا على القول وهو الذي ذكر الشيخ هنا وهي أول من آمن من النساء على القول الآخر. Donc le cheikh il dit que c'est la première qui a cru. Selon certains ulama, c'est elle qui a cru en premier de tout le monde. Et le cheikh, c'est ça ce qu'il a mentionné, Ibn Taymiyyah. Et selon une autre opinion, c'est elle la première qui a cru parmi les femmes. Et ça, c'est une autre parole des ulama. Ensuite, le cheikh dit وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ عَبَدَهُ وَأَعَانَهُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ وَكَانَتْ نُصْرَتُهَا لَهُ من في أعظم أوقات الحاجة. الشيخ الذكر c'est elle qui l'a supporté et défendu et aidé dans les premiers temps. C'est elle la première qui l'a supporté et qui l'a aidé dans sa mission. Et elle lui est venue en aide au moment où il en avait le plus besoin, dans les moments où il en avait le plus besoin. Et quatrièmement, أنها كان لها منه صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية فكان يحبها ويذكرها كثيرا ويثني عليها. Le prophète صلى الله عليه وسلم, le chef il dit que il avait pour le prophète une importance, une grande importance, un statut élevé. Et il l'aimait, et il la mentionnait souvent, et il mentionnait du bien d'elle. tout le temps. Et également, parmi les femmes qui sont, disons, particulièrement concernées dans cette situation-là, qui ont été parmi celles qui ont eu des grands mérites, il y a As-Siddiqa bint As-Siddiq, c'est-à-dire Aïcha, la fille de Abu Bakr As-Siddiq. يعني عائشة بنت أبي بكر والصديق البالغ في الصدق ولقب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بذلك ولعائشة رضي الله عنها فضائل كثيرة أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأنه لم يتزوج بكرا غيرها وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك وأنها أفقه نسائه وكان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها إلى غير ذلك من فضائلها. Le cheikh il explique ici que parmi les biens, parmi les mérites de Aïcha, radiallahu anha, qui est la fille de Abu Bakr As-Siddiq, c'est que As-Siddiq, premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est à l'extrême de, disons, de la foi. C'est-à-dire qu'il reconnaît et il a toujours reconnu la véracité de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans toutes les circonstances. Et donc, il est véridique. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce surnom-là. Et Aïcha radiallahu anha, parmi ses mérites, c'est qu'elle est l'épouse la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il n'a pas épousé une autre femme vierge excepté elle. C'était la seule de ses épouses qu'il a épousée vierge. Et sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation lorsqu'il était il recevait des révélations sur sa couverture. Et également, Allah l'a innocenté de ce que les menteurs avaient, de ce dont les menteurs l'avaient accusé. Vous savez l'histoire de l'Ifk, qu'est-ce qu'on appelle Qissatul Ifk. C'est que Aïcha radiallahu anha, il était dans une expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les femmes, souvent, qu'est-ce qu'on faisait quand elles voyageaient? On les mettait sur un chameau, dans une sorte de selle, mais recouverte d'une couverture, ok? Comme une sorte de boîte carrée. Puis elles se tenaient là-dedans, puis il y avait des draps qui cachaient, elles s'assoient à l'intérieur, puis elle est entourée de draps ou de rideaux. Donc, elle avançait dans sur son chameau et tout. Puis, lorsque les gens se sont arrêtés, elle a perdu un de ses bracelets, quelque chose comme ça. Donc, elle est descendue pour essayer de le retrouver. Puis, les gens se sont mis en chemin pour partir, continuer leur chemin, mais ils n'ont pas remarqué que Aïcha radiallahu anha n'était plus dans sa monture. Alors là, elle a retrouvé son bracelet, puis elle s'est endormie parce qu'elle a vu que les autres étaient partis, elle s'est endormie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que par la suite, bon, dans les caravanes, quand les gens partent en voyage, il y a toujours quelqu'un qui reste plus loin en arrière, pour suivre la trace des voyageurs, pour en cas aussi quelqu'un restait derrière, ok? Donc qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ce sahabi-là, il a vu Aïcha couchée en train de dormir. Alors, il l'a ramassée, il l'a ramenée avec le reste des compagnons. Et arrivé à, je sais pas si c'était à Mecca ou à Medina, il y a des gens parmi les hypocrites qui ont commencé à répandre des rumeurs fausses à propos de Aïcha en l'accusant de certaines accusations sur sa morale et son comportement à cause de cette histoire-là. Et donc, pendant un certain temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé chez ses parents jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre des versets pour l'innocenter. Et dans les versets à ce sujet-là, ça disait que celui qui accuse les filles innocentes sans ramener de témoins, alors ils auront une punition. C'est pour ça que d'accuser quelqu'un de zina ou de n'importe quel autre péché de ce genre aujourd'hui, si quelqu'un fait ça, eh ben il aura, je pense que la punition c'est, si je ne me trompe pas, c'est 80 coups de fouet. Hein, pour le fait d'accuser quelqu'un et de faire une atteinte à sa réputation. Sans preuve, exactement, sans témoin. D'accord? Donc on n'a pas le droit, c'est un grand péché d'accuser une femme chaste, sans preuve d'avoir fait quoi que ce soit de ce genre. Ou même un homme, accusé de ces choses-là aussi. Ouais, Marie, là, avec son fils, le fils de Marie, Ani Isa, alayhi salam. Ensuite, parmi les règles d'Aïcha, donc c'est pour ça qu'on dit que Aïcha, elle a été innocentée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui l'accuse aujourd'hui, il est kafir. C'est pour ça quelqu'un qui est kafir, parce qu'Allah l'a innocenté. C'est pour ça qu'il y a les ceux parmi les rafs, par les chiites, qui l'accusent de quelque chose de mal, mais ils ont contredit le Coran. Ensuite, elle est parmi les plus intelligentes et les plus fortes dans la compréhension de la religion musulmane, parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une des plus grandes savantes de l'islam. Et lorsque les sahaba avaient des difficultés dans une question en particulier, qu'ils avaient de la difficulté à comprendre quelque chose dans l'islam, ils venaient voir Aïcha, radiallahu anha, pour qu'elle leur explique ces aspects-là de la religion musulmane. Donc c'est pour dire que c'était une parmi les plus grandes et les plus fortes savantes de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé yani sur ses genoux. Yani. Nuhur, j'ai oublié c'est quoi Nuhur. En tout cas, c'est dans son cou, il était à côté sur elle, yani, c'est ça ce que ça veut dire. Dans ses, yani, elle, oui c'est ça, il est mort sur elle et il a été enterré dans sa maison, radiallahu anha. Et elle a beaucoup d'autres mérites également, ok, parmi ses mérites. Ensuite, le cheikh il dit, وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو أفضل الأطعمة لأنه خبز ولحم، والخبز من البر هو أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد القوت مجموعها الثريد كان الثريد أفضل الطعام. Le cheikh il explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a fait la comparaison entre Aïcha par rapport aux autres femmes et al-Tarid qui est une sorte de nourriture. Il a dit que le mérite d'Aïcha par rapport à toutes les femmes, c'est comme le mérite de nourriture qui s'appelle al-Tarid par rapport à toutes les autres nourritures. Donc c'est la meilleure parmi les femmes par rapport, comme le Tarid c'est la meilleure des nourritures. Et il dit que al-Tarid, le cheikh il dit que al-Tarid c'est la meilleure des nourritures, pourquoi? Parce que c'est composé de pain et de viande. Et donc le cheikh il dit que le pain d'orge avec les graines d'orge c'est le meilleur disons le meilleur nourriture que les gens mangeaient comme on appelle al-qout. Je sais pas comment expliquer al-qout, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui se retrouve dans presque tous les repas, hein. Les gens mangent ça comme non pas contre l'humain. Comme par exemple, comme dans certains pays, tout le monde mange du riz à tous les repas. Hein, à d'autres pays, c'est comme le couscous, ou bien à d'autres pays, c'est le pain. Hein, bon, ben, c'est ça. Le kout, c'est ça. Et puis, al-lahm, c'est la meilleure des choses qui accompagnent le pain et des choses comme ça. Donc, pour comparer ça, c'est ça ce que le cheikh dit, pour dire que ces deux choses-là ensemble, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-sarid, et donc c'est la meilleure des nourritures, et donc c'est pour dire que Aïcha radiallahu anha, et ben c'est la meilleure parmi les femmes, à cause de ça. On va s'arrêter ici, inshallah, puis on va, la semaine prochaine, on va répondre à certaines accusations des gens de bid'ah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.